Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous emmène sur la ligne de départ de la deuxième édition de la course cycliste Tour Val d'Amboise, organisée par l'Union cycliste d'Amboise Nazel Négron, autrement dit l'UCAN. Le rendez-vous est donné le dimanche 27 avril pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité, bien entendu. Une course qui mobilise coureurs, bénévoles et collectivités et qui nécessite aussi quelques aménagements de circulation, vous l'imaginez bien, qu'il faudra anticiper pour les riverains. Pour en parler, on accueille aujourd'hui Jackie Aubert, secrétaire, et Thomas Communier, président de l'UCAN, pour nous présenter l'événement, son organisation, mais aussi un petit peu ses coulisses. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Alors pour commencer, petit historique de l'UCAN. C'est la première question. L'UCAN. Bah oui. Eh bah, tout simplement, on est l'Union cycliste Amboise-Nazel-Négron. On est en fait de base un club de vélo affilié à la Fédération française de cyclisme. Et donc en fait, on a des coureurs qui sont là pour courir et en fait faire donc nous aussi des courses pour eux tout simplement. Mm-hmm. On a une école de vélo, on a les grands, on a le BMX également. D'accord. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'UCAN est né de la fusion de deux clubs ligériens, à savoir l'ancien vélo club amboisien et puis l'UCN. L'UCNN. En fait, on avait l'UCNN qui était en fait les jeunes, qui était vraiment l'école de vélo minime cadet, et le VCA de l'autre côté de la Loire qui était vraiment axé sur les grands. Et on avait en fait à l'UCNN en plus le côté BMX. Et tout ça s'est organisé, s'est finalement fusionné pour devenir l'UCAN. C'était en quelle année ? 2015. D'accord. Donc on fête nos 10 ans cette année sur l'UCAN. Malgré tout, en fait, on reste la fusion de deux clubs. Et les premiers actes que l'on a, en fait, même du VCA, datent de 1932. Donc on pourrait même dire potentiellement qu'on est dans la continuité et que malgré que l'UCAN a 10 ans, le vélo d'Amboise est bien plus ancien. Bien sûr, évidemment. Alors, c'est la deuxième édition de cette course Tour Val d'Amboise. Si on revient à l'année passée, qu'est-ce qui a motivé ce pari un peu fou de se dire « Allez, on va organiser notre tour sur les 14 communes du Val d'Amboise ?» On avait la possibilité de faire un ville-à-ville, comme ça existe beaucoup d'ailleurs. Il y avait Paris-Roubaix le week-end dernier, il y a le Paris-Tour, la course automnale Tourangelle. Donc on aurait pu effectivement partir sur Amboise-Sainte-Morgue ou je ne sais trop quoi, Amboise-Montoire par exemple. Mais il nous semblait plus intéressant de faire une épreuve sur les petites routes d'entraînement, de valoriser le territoire du Val d'Amboise. Et Thomas, avec l'ancien président Joël Gauthier, ont eu cette idée de rejoindre les 14 communes. Alors de temps en temps, on est obligé de passer sur la commune voisine pour pouvoir relier, mais c'était une belle bonne idée de traverser, de redécouvrir un peu le Val d'Amboise. Très bien. Thomas, quelque chose à ajouter ? Non, pas du tout. En fait, quand on a créé le Tour Val d'Amboise avec Joël, on avait en fait une époque où certaines communes nous sollicitaient aussi pour avoir juste des petites courses dans leur commune. Et en fin de compte, on s'est dit, mais pourquoi pas tous les relier ? Et en fait, c'est réellement comme ça que nous, on a créé l'épreuve avec Joël. Et puis, en fait, on a commencé à essayer de dessiner quelque chose. Et puis, Joël m'a laissé la main ensuite pour prendre la présidence. Et après, j'ai rencontré Jackie à Valières-les-Grandes. Et il a dit oui tout de suite pour me suivre un peu dans ce pari fou. Hors de son département. Et oui, l'étranger. Oh, pas tant que ça, Amboise. Ok, alors c'est la deuxième édition, on l'a dit et redit, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Est-ce que c'est différent par rapport à la première ? Alors oui, déjà on est passé sur un niveau au-dessus, donc on passe sur un niveau élite qui correspond aux divisions nationales. Donc on est toujours sur également les Open, voilà, donc une course qui va être relevée en termes de niveau, qui devrait amener des équipes un petit peu plus costauds. Mais malgré ça, on aura aussi des animations sur l'ensemble de la journée, avec dès le matin une randonnée cyclotouriste ouverte à tous sur le parcours. Donc là, on peut insister sur cette rando, c'est vraiment accessible à tous. On est sur le parcours, donc on peut s'imaginer, en fermant les yeux quelques instants, d'être un véritable coureur. Mais cette première partie est vraiment très agréable et j'encourage enfin tous les amateurs du dimanche matin à le faire entre amis ou en famille, tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on y va. Alors si, c'est mieux quand même. C'est mieux, hein, c'est mieux. Parce qu'il y a un top départ à un moment précis, j'imagine, peut-être. Alors, pas forcément. Disons qu'il y a une plage horaire pour le départ. D'accord. Et puis, on a prévu sur ces deux parcours, puisqu'il y a, il y aura un circuit de 60 et de l'autre de 90, un petit point de ravitaillement à Saint-Ouen-les-Vignes. Donc, il y a nécessité de s'inscrire. Ok, alors, ben, puisqu'on en parle, comment on fait pour s'inscrire ? Si on est intéressé pour déjà faire cette randonnée amateur ? Alors, il y a toutes les infos sur notre site internet directement, donc tourvaldamboise.ucan.fr. Mais il y a aussi la possibilité, si on n'est pas décidé ou si on se décide au dernier moment, de faire une petite inscription sur place. Donc le départ est à Nazelles, au niveau du centre socioculturel. D'accord, à quelle heure ? C'est quoi le créneau, la plage que vous proposez ? Si je ne me trompe pas, c'est 8 heures le départ. Voilà, le cycliste en général se lève de bonne heure. En général, oui. Bah d'ailleurs, c'est intéressant de savoir combien de temps ça prend quand on est randonneur comme ça, à la cool, en loisir, de faire le parcours. Eh bien, en fait, on a considéré que départ à 8 heures permettrait pour nous de faire la boucle à plus de 90, au moins pour 4 heures. D'accord. Pour en fait arriver sur les coups de midi, midi et demi. Donc ça nous laisse une petite marge d'une heure avant d'avoir la suite des animations. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on peut en venir au parcours, puisqu'on a hâte de savoir par où ça va passer, dans quel ordre ? Alors oui, alors déjà juste avant ça, on aura toujours encore une animation rapidement. En fait, juste avant le passage des coureurs, on aura donc une caravane de voitures Mustang qui passeront sur l'ensemble du parcours et rejoindront ensuite l'arrivée pour rester sur place et vous pourrez admirer l'ensemble des Mustangs sur le parking en face de l'arrivée. Ok. Donc c'est pas un rallye, c'est vraiment une parade où effectivement les véhicules passeront à des vitesses raisonnables. Mm-hmm. Voilà. Rassurons tout de suite nos auditeurs. Exactement, c'est pas le rallye Cœur de France. Quoi. C'est pas le rallye Cœur de France, okay. C'est un autre esprit. Très bien, donc sur la partie animation, il y aura également d'autres choses. Il y aura en termes d'animation autre chose. Alors on devrait avoir certaines collectivités qui devraient également faire l'animation dans leur ville directement, dans leur commune directement. Mais sur la zone de départ, on aura également l'animation musicale qui ensuite sera sur l'arrivée. Et en plus, on aura donc un speaker sur l'arrivée qui animera l'ensemble de l'arrivée et permettra aux gens qui sont déjà présents d'avoir des informations. C'est parfait. Alors, ce parcours, est-ce qu'on peut le découvrir ? Ce parcours, oui, on peut le découvrir. Donc, le départ, il est prévu donc à Nazelles-Négron, au centre socioculturel, à 14h15. On ira, en fait, sur Noisé, avant de monter le centre de Noisé, direction Chancé. À Chancé, on va remonter les petites routes sur les hauts pour redescendre sur une départementale et redescendre sur Chancé. Ensuite, on ira chercher le château de Valmer. On va monter derrière le château de Valmer sur les hauts pour redescendre sur Regny. Regny, on ira chercher Neuillé-l'Olière. Neuillé, on ira chercher Autrèche. Autrèche, on reviendra sur Montreuil avant de descendre sur Saint-Ouen-les-Vignes. Saint-Ouen-les-Vignes, on ira chercher la rue de la Poste qui sera le premier sprint de l'épreuve. Ensuite, on traversera la départementale pour rejoindre Cangers. Cangers-Fleuret. Limeray. Alors, Limeray, on va écorner rapidement Limeray, en effet, juste avant Cangers. Cangers, Fleuret, ensuite on redescendra sur Cangers pour aller chercher Limeray, Possé. Possé, on reviendra sur Nazelles, avant de repasser sur la ligne de départ. Et ensuite, on traversera donc Amboise une première fois pour aller chercher Chargé. Chargé, on ira sur Mône. Mône, on remontera par la Picardière pour aller chercher Souvigny. Souvigny, on ira chercher Saint-Règle, et à Saint-Règle, on remontera par Chargé. Chargé, on va redescendre par Malvaux, et on ira chercher la forêt de Saint-Martin-de-Beau avant de redescendre sur Lusseau. Lusseau qui nous emmènera sur 5 km avant l'arrivée. Et bien entendu, tout à l'heure, tu nous parlais d'un premier sprint, on va dire deux montagnes, mais il y en aura 4 au total. Il y en aura 4, et le deuxième se fera à Possé-sur-Cisse, le troisième sera à Chargé, et le quatrième sera à Saint-Règle. Pour mettre un petit peu d'animation dans le peloton. Alors, on imagine que l'organisation d'un tel événement, ça fédère forcément beaucoup de bénévoles. On en discutait un petit peu hors antenne juste avant cette émission, mais combien de bénévoles ça réunit ? Il y a des signaleurs, il y a plein de gens qui doivent être mobilisés. Alors, pour organiser une manifestation sportive sur la voie publique, il y a des règles bien précises. Mmh. Et la course, elle est en occupation temporaire de la chaussée. C'est-à-dire qu'on va isoler la course dans une bulle de sécurité, dans laquelle il y aura effectivement les voitures ouvreuses, les motos, les coureurs, les voitures d'assistance, les voitures de jury, les ambulances. Voilà. Mais pour au préalable, pour sécuriser la route, on a environ 300 carrefours et on aura là encore environ 200 bénévoles qui auront un rôle de signaleur, donc un rôle de conseil pour les usagers qui seraient tentés d'emprunter la route, pour leur expliquer que effectivement pendant quelques minutes la route sera réservée uniquement au passage de la course et qu'ensuite elle sera libérée. Donc pour gérer la totalité de la sécurité, on fait appel à environ 200 bénévoles, et puis renforcés par des motos au sein même de la bulle de course, qui vont se substituer aux absences de signaleurs. C'est-à-dire que je parlais de 300 carrefours, 200 bénévoles, donc il y a 100 carrefours à couvrir, et ces 100 seront couverts par des motos qui, elles, avancent en tiroir, donc... Et en général, on favorise les carrefours non dangereux en pleine campagne pour ce travail. Mmh. En laissant le signaleur dans des zones bien particulières pour pouvoir apporter une réponse verbale à des questions. Ah, c'est ça, parce qu'au-delà de faire preuve de bonne volonté, de donner de son temps sur cet événement, c'est un petit peu un travail de médiation aussi avec le public. Donc c'est important, il faut avoir des personnes sensibilisées pour le coup. Alors... on a bien conscience de cette mission tout à fait particulière et dans le cadre de notre organisation, de notre préparation, on fait des soirées de formation signaleurs pour expliquer leur rôle, voilà, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc on a déjà eu des réunions, ce soir je crois qu'il y en a encore une. Il y en a encore une, oui. Et puis la grande messe pour les signaleurs, c'est le jour de la course, le dimanche matin, là où on réunit la totalité donc, des acteurs sécurité pour leur expliquer, leur présenter le circuit et leur donner les dernières informations qui sont en notre possession. Mmh. Alors là, on parle des bénévoles, mais si on en vient au public, à nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur le bord de la route pour observer les coureurs passer, quels sont les conseils que vous donneriez pour bien en profiter et surtout ne pas provoquer d'inconvénients, dirons-nous ? Alors, tout d'abord, ça va être déjà de se mettre soi-même en sécurité, de ne pas traverser la route au moment où on aura la première voiture qui passera et qui aura des drapeaux rouges et gyrophares rouges. Ça veut dire que là, tout ce qui est en fait la bulle de sécurité arrive, tenir ces animaux en laisse, faire attention de ne pas jouer sur les bords de route, ne pas chercher à vouloir aller trop près non plus de la route, respecter surtout ces consignes-là, et puis après se faire plaisir en encourageant les coureurs, et puis tout se passera bien. Et en principe, si comme tout habitant du Val d'Amboise, vous aviez regardé dans vos boîtes à lettres, vous avez dû être informé justement des aménagements de circulation aussi, du parcours précisément que la course va emprunter dans votre commune, c'est plutôt très bien organisé tout ça. C'est de multiples choses auxquelles il faut penser également quand on organise ce type d'événement. Oui, et l'anticipation, c'est souvent la meilleure réponse. Mmh. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est donc sur une voie publique qui est empruntée par des usagers, ça peut être des touristes qui sont de passage, ça peut être n'importe qui. Donc l'objet pour nous, c'est d'informer le maximum de personnes de ce passage, même si on n'est pas au niveau du Tour de France. Mais informer, préparer, c'est une chose indispensable. Et avec le relais de la totalité des collectivités, on arrive à avoir des résultats probants. Et puis une première édition qui a été un véritable succès et qui, finalement, les gens en redemandent. Ce que vous m'expliquiez également, c'est que c'est à la fois un moment de loisir, je dirais, enfin un moment agréable, et en même temps, c'est une belle vitrine sur notre territoire. Alors, le cyclisme, c'est effectivement une fête qui est très populaire. Bon, il y a énormément de retransmissions télé où on voit effectivement la course. Et on a bien compris que lorsqu'on voit par exemple les reportages sur le Tour de France, qu'il y a une grande part qui est réservée à la découverte de la région, ses monuments, etc. Ouais. Il y a une valorisation des territoires. Mmh. Alors, certes, nous sommes à un échelon plus petit, mais tout à l'heure, lorsque Thomas faisait la présentation du parcours, bah oui, on aurait pu parler, effectivement, quand on arrive sur Noisé, des vignes, parce qu'on n'est quand même pas loin de l'appellation Vouvray. Quand on repasse du côté de Limeray, Cangers, on est encore dans le vignoble. Quand on est du côté de Meaune, on retrouve du vignoble. Mmh. Mais on a aussi la Loire et toutes ces petites rivières, donc la Cisse, la Ramberge, la Brenne, tout ça, ça provoque effectivement du dénivelé. Donc on monte, on descend, voilà, c'est notre territoire, quoi. Donc on joue avec. Alors un peu de forêt aussi, surtout du côté de Saint-Martin-de-Beaumont, mais voilà, c'est la vallée de la Loire, donc il y a une véritable identité. Et ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure, lorsqu'on a été amené à modifier le parcours, ben oui, ça nous a amené à réfléchir pour trouver de nouvelles ressources et de nouvelles petites bosses, quoi, qui sont l'âme du VTT. Du VTT. Du vélo de route. Du vélo de route. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux un appel de votre part communément pour trouver des personnes qui avaient envie justement de capter des images, me semble-t-il. Hein, C'est exactement ça. En fait, ouais. Il y a 140 km à couvrir. Nous, on cherche à avoir le plus d'images possible pour ensuite faire un petit document, un petit dossier en fait, de l'épreuve, mine de rien. Et donc, en effet, on a fait une recherche et des demandes de photographes, de vidéastes, de tout ce qu'on avait, même des dronistes bénévoles amateurs qui voulaient un petit peu rejoindre l'équipe pour pouvoir partager des images sur l'épreuve, sur le moment. Et vous avez trouvé ? Alors, on cherche toujours, on en a déjà quelques-uns. On est toujours dans la boucle à faire des contacts, mais toute personne est bonne à prendre, même s'il faut en mettre une en bas de Noisé, une en haut de Noisé. Ça fait toujours plus d'images, donc nous, on est contents. Très bien, donc appel aux bonnes âmes qui disposent d'outils numériques ou autres pour pouvoir capter des images de cette belle course. Le rendez-vous est donc donné pour ceux qui voudraient être là au niveau de la ligne de départ. Ce sera à 14h15 à Nazelles-Négron au centre socio-culturel. Et puis l'arrivée ? L'arrivée sur le quai du Général de Gaulle à Amboise. Et vers quelle heure ? Arrivée prévue vers 17h15 à peu près. Très bien, et en musique ? Et en musique. Ben, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup Jackie Aubert et Thomas Communier pour cet éclairage passionné de votre part sur cette deuxième édition du Tour Val d'Amboise qui aura lieu, on le rappelle, le dimanche 27 avril, une belle occasion de célébrer le cyclisme local, de fédérer les habitants, et pas que d'ailleurs, et puis de faire rayonner bien sûr notre territoire à travers le sport. Merci à tous les deux. Merci, merci. Rendez-vous donc sur le parcours pour encourager les coureurs et profiter de l'ambiance de cet événement qui promet de belles émotions. C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition.